Les enfants du Moyen Âge, nous sommes venus ce jour devant cet homme aux yeux bientôt fermés, glaucome, écharde, pieds qui se balancent. Le bois craque encore, l'air frissonne. Au loin dans la vallée retentit une chanson, sacripant que triste cœur pour les heures guerroyantes. Les pieds presque dans la boue, nous jaugeons le poids des ans, du futur pour un présent, l'offrande de notre âge. Le dernier soupir arrive, la pluie tombe dans le chemin, faire la guerre, Dieu, que souffrance, dans les yeux des assassins.